France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il a produit les shows à l'américaine de Mylène Farmer et est toujours son agent aujourd'hui. Il a produit la première tournée de Jean-Jacques Goldman dans les années 80, le concert de France Gall en 1982. Il produit Valérie Lemercier, Florence Foresti, Yannick Noah, Calogero, mais on lui doit aussi plusieurs comédies musicales. Le Soldat Rose, par exemple, sur scène, c'est lui. Dracula, de Kamel Wally, c'est encore lui. Il a coproduit à Broadway The Last Ship, la première comédie musicale de Sting, et puis on l'a beaucoup vu il y a un mois à la disparition de France Gall, puisqu'il avait produit pour elle Résiste, la comédie musicale. Alors que l'un de ses nouveaux bébés ouvre au Palais des Sports à Paris, Bodyguard, le film avec Kevin Costner et Whitney Houston, adapté en comédie musicale, coproduit avec Vantage Productions, c'est Thierry Suc, producteur, que nous recevons ce matin et à qui nous confions les clés de 42e rue. Bonjour Thierry Suc. Bonjour Laurent. Alors vous allez nous montrer ce matin votre connaissance et votre amour de la comédie musicale. Et par exemple, vous avez choisi en 1988 ce que vous découvrez sur scène à Londres. Time sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life in you before. Close your eyes, let your spirit start to soar. Fantasies unwind in this darkness which you know you cannot find. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the world you save all you. conversation. Let the dream begin. Let your darker side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the ugly. You're the grace of God if us ever see it. You don't believe me. Miss Seeley. Miss Seeley, look here. Look at yourself. I've always been the kind of gal that had a lot to say. I says the things that's on my mind. Too dumb to shy away, but you hush my mouth and still me with a song I've never heard. I guess that means that you are just too beautiful for words. I've seen this life from high and low and all that's in between. I've danced with dukes, crowned with counts, been courted like a queen. But when I see what's in your heart, all the rest is blurred. The grace you bring into this world's too beautiful for words. You hide your head under your wing, just like a little bird. Oh, don't you know you're beautiful, too beautiful for words. Ooh, Seeley, too beautiful for words. Le producteur Thierry Suc programme 42e rue ce matin et a choisi Elizabeth Wither Mendes, un extrait de The Color Purple, l'adaptation en comédie musicale du film de Steven Spielberg, et cette chanson Too Beautiful for Words. Pourquoi Thierry Suc? Pour moi, la comédie musicale, c'est une émotion. C'est lié à une émotion que je reçois ou que je ne reçois pas. Et je trouve que cette musique de Quincy Jones est vraiment sublime, que l'adaptation a apporté quelque chose. Je trouve que le film était magnifique, mais l'adaptation scénique que je vais voir à Johannesburg dans quelques jours, donc je ne l'ai pas encore vue, mais j'en ai entendu que des choses très positives. Cette chanson, Too Beautiful for Words, me touche et m'émeut par la qualité de la mélodie, par ce qu'elle dit aussi, à ce moment-là, dans la comédie musicale. Alors, The Color Purple, c'est évidemment l'adaptation de ce film qui se déroule dans les années 30 dans une plantation avec des femmes noires abusées. Et ce qui m'intriguait, c'est qu'en fait, là, c'est un exemple de comédie musicale que vous n'avez pas encore vu. Mais avant d'aller voir une comédie musicale, vous avez besoin d'écouter les chansons? Absolument, toujours. Ouais. Pour essayer de trouver un point de repère, Je parle anglais, mais je n'ai pas la prétention d'être bilingue. Malheureusement, j'aimerais tellement l'être. Donc, j'essaie de m'inspirer avant d'aller voir une comédie musicale par l'univers et d'écouter, de lire l'histoire. Et vous allez le voir, pourquoi? Parce que vous voulez le faire venir parce en France hein. Alors, je ne veux pas, mais on me l'a demandé. Alors, je vais voir pour essayer de sentir s'il y a un potentiel chez nous. Bien sûr, le film a marché très fort. Il y a donc, je pense, un public qui pourrait être intéressé, mais il faut voir. Thierry Suc, vous avez ouvert cette émission avec un extrait du Fantôme de l'Opéra, mm-hmm, d'Andrew Lloyd Webber et cette chanson Music of the Night. C'est un souvenir, vous l'avez vu sur scène? Oui, c'est probablement, en préparant l'émission, je réfléchissais, c'est probablement ma première rencontre et mon premier choc émotionnel avec la comédie musicale. J'étais à Londres et une amie, Annie Farg, qui travaillait avec Michel Polnareff et qui était proche de Harold Prince et d'Andrew Lloyd Webber, m'a proposé de venir voir ce spectacle. Et c'était Michael Crawford qui chantait et c'était une émotion très forte, et notamment avec The Music of the Night, j'étais au bord des larmes, et la scène était sublime. Je suis triste que le public français ne puisse pas découvrir ce spectacle. J'ai essayé de le faire venir dans les années 90, c'était impossible, et Stage Entertainment a eu ce problème avec le théâtre Mogador, et pour l'instant. Il devait le produire l'an dernier. Absolument. Qu'est-ce qui vous a stupéfait quand vous êtes allé en 1988? Je crois que le spectacle avait ouvert 2 ans plus tôt. Qu'est-ce qui vous a laissé bouche bée? Vous étiez déjà producteur de spectacles, hein. Oui, mais ce genre cet exercice-là était totalement méconnu en France. Et tout d'un coup, de voir cette immense scène d'un théâtre avec tout ce qui se passait dans les sous-sols de l'opéra, avec le bateau qui passe comme ça, avec les chandeliers allumés partout et la beauté de cette mélodie, vous pouvez difficilement ne pas vous laisser emporter. C'est l'émotion est au paroxysme. Enfin, je trouve que c'est vraiment sublime. Et Starmania, que vous avez choisi pour continuer, vous l'aviez vu à sa création? Non, je ne l'ai pas vu. J'étais trop jeune. J'habitais en province. Je viens de la banlieue de Lyon. Donc, je n'avais pas eu accès encore à aller voir des spectacles parisiens. C'était au Palais des Congrès en 79. Donc, j'ai découvert Starmania 10 ans plus tard, la version qui a été montée à Marigny, je crois, avec Morane, si je me souviens bien, dans l'affaire Serveuse Automate. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette œuvre. Vous avez choisi Ziggy, ou plus exactement, vous avez choisi la version originale de la chanson Un garçon pas comme les autres par Fabienne Thibault. Pourquoi ce choix? Alors là aussi, je peux parler d'une émotion. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai aimé la musique pop-rock parce que j'ai eu une rencontre dans mon adolescence avec la musique de David Bowie. Et étant adolescent, j'avais fait un rêve que je rencontrais cet artiste pour de vrai. Et il s'avère qu'en 87, j'ai produit la tournée française de David Bowie et qu'on s'est rencontrés, on a dîné plusieurs fois ensemble, etc. Donc mon rêve d'adolescent était de réaliser ce qui était improbable pour un garçon qui venait d'un milieu modeste et de la banlieue de Lyon. Donc ça, la boucle était bouclée avec lui. Et cette chanson Ziggy, alors bien sûr, il y a plusieurs lectures sur le texte, mais quand même elle fait référence d'abord à David Bowie. Starmania, Starmania, moi je suis pas faite comme ça, mais je connais un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4h du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique, il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais, où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Voulez-vous jouer avec moi au jeu de la Starmania? Écrivez-moi, racontez-moi votre vie, vos envies. Dites-moi qui vous voudriez être et vous serez peut-être ma star d'un soir. Dimanche au bord de l'eau, dans les rires et les sanglots, je me sens un peu perdu aujourd'hui. Je me sens les cheveux gris. Si on recommençait la vie, si on changeait la vie. Un dimanche au bord de l'eau, le bonheur c'est pour bientôt. On en parle comme si c'était un ami juste reparti chez lui. On l'attend encore aujourd'hui. A-t-il changé la vie? Je rêve, est-ce que tu rêves aussi? Je rêve encore, est-ce à cause du décor? Un dimanche au bord de l'eau, j'écoute mon cœur. Sans les cheveux gris, si on recommençait la vie, si on changeait la vie. Michel Berger sur la 42e rue de France Musique, une chanson inédite que vous a offert France Gall, Thierry Suc, lorsque vous avez produit Résiste et on entendait sa voix, c'est ça à l'instant? Absolument, c'est la dernière fois qu'elle a posé sa voix en studio, comme ça, où elle fait très subtilement les chœurs sur la fin de la chanson. Comment elle est née, cette comédie musicale Résiste? Alors c'est une jolie histoire, parce que tout à l'heure je vous disais, moi je viens de la banlieue de Lyon, dans les années, au tout début des années 80, je sortais d'une école de commerce où je m'ennuyais à mourir, et j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans ce monde de l'organisation. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Claude Wild et qui m'a donné la possibilité à 20 ans d'organiser ses concerts dans la ville de Lyon. Et mon premier concert en février 82, c'était France Gall. C'était la première fois qu'elle partait en province après de longues, longues années où elle avait refusé d'aller en tournée. Elle aimait pas beaucoup la scène et elle découvrait le plaisir. Et donc ce soir-là, en février 82, on dînait France, Michel et moi et ce monsieur Claude Wild ensemble. Et en 2013, France me téléphone et me dit « Écoute, on s'est pas vu depuis très longtemps, puisqu'elle avait eu d'autres producteurs, mais j'ai écrit une comédie musicale avec toutes les chansons, les miennes, celles de Michel, etc. Est-ce que tu veux passer à la maison les écouter ?» Et je me suis rendu chez elle et j'ai fondu en larmes, puisque ma boucle était bouclée pour moi dans ma vie, c'est-à-dire que je retrouvais l'histoire de mes débuts. Voilà comment c'est né. On a beaucoup entendu parler à la disparition de France Gall d'un éventuel retour de Starmania. C'était dans les tuyaux, vraiment? Ah oui, on en parlait quelques jours encore avant son départ avec France et bien sûr Luc Plamondon souhaite ce retour aussi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, c'est le fils de France, Raphaël, décidera ce qu'il adviendra de son désir ou pas. Mais on sait que le public a très envie de voir une nouvelle version de Starmania. Donc, probablement que ça existera un jour au moment des 40 ans. France Musique, 42e rue. Laurent Vallière. Et en 2008, Thierry Suc, vous produisez... Est-ce que c'est votre première comédie musicale, Le Soldat Rose, sur scène ? Vous savez, j'ai toujours du mal à... Je regarde toujours ce qui arrive devant et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé avant. Je crois que c'est la première. Je crois. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce formidable disque, Conte de Louis Chédide, pouvait être adapté sur scène ? Pareil, une rencontre. Un soir, j'étais à un anniversaire et je n'avais pas vu Louis Chédide depuis 25 ans. Et on se retrouve tous les deux et il venait d'écrire Le Soldat Rose et le succès était là et il me dit est-ce qu'on peut se voir dans les jours qui viennent et je dis que plaisir bien sûr. Et puis il y a eu cette idée de le remonter avec bien sûr un cast de jeunes inconnus en opposition au fait que l'album était fait avec des gens de grande notoriété. Et l'idée, la bonne idée je trouvais c'était de demander à Charles et Dino de faire la mise en scène puisqu'ils étaient dans l'album et ils ont fait cette mise en scène qu'on a beaucoup aimé. Alors première comédie musicale et tout de suite ce qui me frappe et c'est pour ça que je suis ravi de vous recevoir c'est que on voit tellement de comédie musicale avec des bandes son en France, on a presque l'habitude, on croit que la comédie musicale c'est ça, c'est une bande son. Et vous, à chaque fois que vous produisez, en tout cas en l'occurrence Résiste et Le Soldat Rose, il y a des musiciens sur scène. Pourquoi ? Et pourquoi vous le faites et pas les autres ? Mais d'abord, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que il m'est arrivé de ne pas le faire et je le regrette encore aujourd'hui parce que je pense qu'une comédie musicale sans musicien, ça n'a pas de sens. Je pense que l'ère de la comédie musicale à la française avec les bandes son est terminée, est dépassée, révolue. J'en ferai plus jamais. D'ailleurs, je participerai plus à des aventures comme cela. Avant tout, l'émotion que l'on doit ressentir dans la salle, c'est l'émotion aussi que procure la musique. Donc, quand un musicien joue en live, ça change tout par rapport au fait d'avoir une bande envoyée où les chanteurs doivent poser leur voix dessus. Thierry Suc, pour vous faire plaisir, je vous fais entendre quoi ? Jessie Fasano qui chante La Panthère Noire en peluche, Fabien Ducommun qui interprète la chanson du Soldat Rose, ou alors Arnaud de Nicel, Lunettes Bleues, Lunettes Grises. La chanson du Soldat Rose, parce que j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Mais vous connaissez mon nom ? Et moi, je ne sais même pas qui vous êtes. Ah si, toi, je sais, tu es le chef des jouets. Ah non, il n'y a pas de chef ici. Il y a seulement des jouets qui sont là depuis plus longtemps que les autres. Je connais un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Mais personne ne veut de moi. Et pour cause, qui voudrait d'un soldat ? Rose, qui voudrait d'un soldat, d'un soldat rose. Les garçons n'aiment pas ma couleur de danseuse. Et les filles disent pas devant ma mitrailleuse. Bienvenue mon petit gars, faut que je te dise quelque chose. On m'appelle le soldat. On m'appelle le soldat rose. Je me névrose, mon kylose, me sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat, soldat rose. Overdose d'échymose rend ma prose. terre et tout est noir dans ma vie de soldat rose. Je connais un rayon sur ce grand magasin, les poupées de chiffon, les puzzles et les trains. Tout là-bas, les peluches et combles du grandiose, un flamand comme moi, rose, un flamand comme moi, un flamand rose. Je me névrose, mon kylose, me sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat, soldat rose. Overdose d'échymose rend ma prose bien morose. Tout est gris, tout est noir dans ma vie de soldat, de soldat rose. Personne ne veut de moi, et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat, d'un soldat. Why only now when I see Le producteur Thierry Suc programme 42e rue ce matin sur France Musique et choisit Barbra Streisand, Send in the Clown, extrait de A Little Like Music de Stephen Sondheim, extrait de l'album, le Broadway album de Barbra Streisand en 1985. Pourquoi cet artiste, Thierry Suc? Je trouve que l'émotion de sa voix est inégalée, qu'il y a quelque chose de bouleversant. Vous remarquerez souvent, je vais employer le mot émotion parce que je ne sais pas fonctionner autrement que par quelque chose qui me bouleverse, que ce soit la comédie musicale ou d'ailleurs les artistes avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de travailler avec un artiste simplement parce qu'on va remplir des salles et qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai besoin de recevoir une émotion et Barbra Streisand, elle est la quintessence de cela. Cette version est sublime. Celle de Sinatra est sublime, il y en a plein d'autres. Mais Vous l'avez vue en concert ? Je l'ai vue en concert. C'est comment ? Bah, malheureusement, je l'ai vu il y a quelques années à Bercy. Alors, je peux pas dire que c'était pas bien, parce que c'était, mais d'abord, c'était Bercy, c'était un peu grand, et puis c'était pas les grandes années au sommet de sa capacité vocale, on va dire. Donc c'était bien. Et alors, le choix de la chanson, Stephen Sondheim, la comédie musicale A Little Like Music, pourquoi ce choix? Je sais plus, la présentation scénique au Châtelet était en 2010, voilà, c'est ça. Avec Lambert Wilson. Avec Lambert Wilson. Et comme je disais, j'ai découvert vraiment les classiques de la comédie musicale avec le travail extraordinaire et colossal que Jean-Luc Choplin a fait pour nous tous, les Français, de nous faire venir des grands titres de la comédie musicale de Broadway à Paris en version originale, avec des mises en scène chaque fois éblouissante et extraordinaire. En tout cas, ouais. Moi, je suis rentré dans ce monde-là grâce à lui. Et j'ai vu d'ailleurs Little Night Music à Broadway avec Catherine Zeta-Jones en 2012, je crois. C'était pas du tout le même niveau. Et ce que j'ai vu au Châtelet était très, très au-dessus et on a beaucoup de chance à Paris. Sondheim, c'est un compositeur. Vous qui commencez à produire des comédies musicales, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce que finalement, ça a commencé en 2008. Absolument. Ça vous apprend quelque chose sur le fait qu'il faut que ça soit vraiment du théâtre, ce genre de spectacle? Du théâtre et de la mélodie. Enfin, moi, je fonctionne... L'émotion, elle est d'abord la musique pour moi. Toujours, avant les mots, avant toute chose. Après, une fois qu'il y a une mélodie, c'est important aussi qu'il y ait une très belle présentation scénique. Mais vraiment, la qualité d'interprétation, la voix, bien sûr, mais d'abord la mélodie. Alors, autre choix, Thierry Suc, une comédie musicale encore de Stephen Sondheim, mais une version cinéma, Tim Burton, Sweeney Todd, une chanson. Alors, j'adore parce qu'en fait, quand on reçoit des invités comme ça, comme vous qui faites la programmation, il y a toujours des titres auxquels j'aurais pas pensé, moi, spontanément. Vous avez choisi la chanson de Anthony, le jeune matelot qui tombe amoureux de Johanna. Il est interprété dans le film par Jamie Campbell Bower. Pourquoi cette chanson-là dans Sweeney Todd? Alors, pareil, j'ai découvert Sweeney Todd, non pas par le film, mais par la comédie musicale que je suis allé voir trois fois au Châtelet, tellement j'aimais. C'est pas celle qui a eu le plus grand succès, mais je la trouvais sublime. Et j'ai recherché un petit peu, lorsque je préparais l'émission, j'ai recherché quelle version me plaisait le plus et je trouvais rien. Et finalement, je suis retombé sur la BO du film et j'ai trouvé que l'émotion de cette chanson de Johanna me plaisait à travers l'interprétation de ce jeune acteur anglais. Sweeney Todd, on sait, c'est l'histoire du diabolique barbier de Fleet Street qui égorgeait ses clients alors que la fameuse tourte à la viande. Voilà, la charcutière en bas faisait des tourtes avec ses cadavres. Et Anthony, c'est donc un jeune matelot qui arrive avec Sweeney Todd dans le vieux Londres et tombe amoureux de Johanna, qui l'aperçoit à la fenêtre sans savoir que c'est en fait la fille de Sweeney Todd. I feel you, Johanna. I feel I was half convinced I'd waken, satisfied enough to dream you. Happily I was mistaken, Joanna. I'll steal you, Joanna. I'll steal you. Do they think that walls can hide you? Even now I'm at your window. I am in the dark beside you. Buried sweetly in your yellow hair. Blessed with the sound of music. Je constate, Thierry Suc, que vous avez choisi beaucoup de jolies voix féminines ce matin, et notamment donc une voix lyrique, là, en l'occurrence. Ouais, ouais, mais j'avais eu cette révélation avec la voix de Sylvia lorsque je l'avais vue dans La Mélodie du Bonheur. Sylvia Schwarz, qui était donc à l'affiche du Châtelet dans Sound of Music, produit par Jean-Luc Chopelin. Absolument. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec elle lorsqu'on a produit l'opéra au Châtelet avec Jean-Luc, Welcome to the Voice, avec Sting. Et Sylvia était aussi dans cet opéra avec nous. C'est une merveilleuse voix, une merveilleuse personne. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Vous parlez de Sting, mais vous avez produit une comédie musicale, enfin vous avez participé à la production d'une comédie musicale de Sting à Broadway. Oui, absolument. Comment faut mettre combien d'argent pour produire une, pour participer? Beaucoup, et j'ai tout perdu en plus. Donc, ah bon? Vous savez, si on fait de la comédie musicale pour être riche, malheureusement, 9 fois sur 10, c'est difficile. Et puis une fois sur 10 ou une fois sur 20, ça marche, mais c'est un c'est exercice. Le casino. C'est le casino et c'est un exercice très compliqué. Et The Last Ship à Broadway n'a tenu à l'affiche que 2 ou 3 mois, comme certaines comédies musicales. Mais nous sommes tenaces et on va démarrer à Newcastle au mois de mars, la production anglaise, avec on a tout revu, le book a été revu et je participerai à l'aventure avec Sting. Qu'est-ce que vous avez appris en produisant, enfin en participant à la production d'une comédie musicale à Broadway? Quelle différence, quelle grande différence avec ce qu'on fait en France, hein? Je dirais d'abord, parce que sinon il faudrait qu'on passe toute l'émission à parler de ça, mais la première chose c'est ça vous rend humble, surtout de savoir qu'on peut avoir le plus grand nom. Mon ami Jeffrey Seller qui produisait cette comédie musicale donc à Broadway, qui est un grand producteur qui a fait Rent, qui a fait Avenue Q, qui a eu des grands numéro déjà, et qui produit Hamilton aujourd'hui, pensait que la plus grande comédie musicale qu'il aurait, ce serait pas Hamilton, mais que ce serait The Last Ship. Ben, ça a été le contraire qui s'est passé. Ben, on sait rien du tout, en fait. Faut être très humble. C'est le public qui décide, c'est pas nous. Alors, The Last Ship, c'est une, moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir à Broadway. C'est bien. Oui, ça a pas tenu longtemps c'est à l'affiche. Non, 2-3 mois. C'était très beau. Moi, c'était très ambitieux. Voilà. C'était une histoire très humaine. Absolument. dans les chantiers navals. C'est son histoire personnelle. En Angleterre, c'est l'histoire ouais. de son père. C'est vraiment qui se passe à Newcastle. Et c'est pour ça qu'on va redémarrer là-bas au mois de mars. Mais, peut-être qu'à Broadway, il faut un peu plus de happy end. Peut-être qu'il faut quelque chose de plus joyeux. C'est vrai que c'était l'Angleterre thatchérienne. C'était pas les années les plus drôles des chantiers navals, de toutes les grèves qu'il y a pu avoir à ce moment-là. Donc, je pense qu'en tout cas, le public américain n'était pas prêt pour ça. Et sinon, deuxième leçon, parce que être humble, bon, ça c'est au niveau de soi, mais en question, comment faire une comédie musicale? Qu'est-ce que vous avez appris en travaillant comme ça avec sur cette production? Après, la qualité était là pour moi. On apprend toujours que il faut toujours chercher la meilleure voix, la plus belle. C'est-à-dire que on avait fait une première audition au Public Theater à New York, et moi je trouvais déjà que le cast était d'un très beau niveau. Mais Sting n'était pas très content de certaines personnes, et il a recommencé le casting, encore et toujours, retravaillé sur le livret, et finalement il avait raison. Et il avait encore certaines petites frustrations sur certaines voix, et en Angleterre, je trouve en effet que le niveau sera encore plus haut qu'il pouvait être à Broadway. Thierry Suc, je vous laisse le choix, soit une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est une aubergiste, dans un numéro très Broadway, incarné par Sally Ann Triplett qui chante Show Me Some Respect, ou alors Sting tout simplement qui chante la chanson titre. Allez, Sting, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu en France et je la trouve vraiment très très belle cette chanson. It's all there in the Gospels, the Magdalene girl comes to pay her respects, but her mind is a whirl. When she finds the tomb empty, the stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry, aye, but you might catch him still. Tell me, where are you gone, Lord, and why in such haste? Now don't hinder me, woman, I've no time to waste. Or they'll launch in a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, I cannot be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me, I have to prevail. Through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale, may the angels protect me if all else should fail. And the last ship sails, or the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. It's a strange kind of beauty. It's cold and austere, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs and your fears, when the last ship sails. Well, the first to arrive saw these signs in the east, like that strange moving finger at Balthazar's feast, where they asked the advice of some wandering priest, and the sad ghosts of men whom they thought long deceased, and whatever got said, they'd be counted at least, when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. And whatever you've promised, whatever you've done, and whatever the station in life you've become, in the name of the Father, in the name of the Son, and whatever the weave of this life that you've spun, on the earth or in heaven or under the sun, when the last ship. Sting, The Last Ship, extrait de sa comédie musicale que vous avez coproduit à Broadway, Thierry Suc, et qui sera remonté donc à Newcastle dans quelques mois. Thierry Suc, vous avez dit, j'ai lu dans une interview de vous, qu'il y avait aujourd'hui une inversion des forces entre le marché du disque et les spectacles. C'est pour ça que vous allez de plus en plus dans la comédie musicale? C'est pas pour ça. Je pense que, personnellement, en tout cas, ça correspond à où j'en suis dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai cette chance depuis 35 ans d'avoir produit et de produire beaucoup d'artistes, de chanteurs, de chanteuses, d'humoristes, qui vraiment sont mes amis et que j'aime beaucoup. Mais j'avais besoin d'apporter aussi autre chose. Et cette autre chose, je ne l'ai trouvée que dans le désir d'aller vers la comédie musicale, qui est un autre exercice qui complète la chanson et la musique par la théâtralité. Et qui apporte plus d'émotions? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de plus? Pas plus. J'aime pas la comparaison des genres, parce que pour moi, je sais pas comme ça que je fonctionne, mais c'est autre chose. Et je fais d'ailleurs découvrir aux artistes avec qui je travaille, je les envoie voir des comédies musicales à Londres, à New York, ils sont tous très friands et ils découvrent eux aussi, comme moi, pour la plupart. J'en connais de nombreuses personnes que vous avez invitées à New York pour aller voir Hamilton, cette comédie musicale événement pour lequel on peut pas avoir de place, que ça coûte extrêmement cher. Vous l'avez vu, Hamilton, Thierry Suc. Pourquoi il y a cet engouement? Est-ce que vous le comprenez, cet engouement pour cette comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, qui raconte d'une certaine façon l'histoire de la fondation des États-Unis à travers l'un de ses fondateurs? Oui, mais en fait, sur un papier, on dit c'est une fresque historique qui est sur l'histoire de la Constitution américaine, et ça va être rappé. On va avoir des musiques urbaines avec du rap, et on se dit, alors là, on va droit dans le mur, et ça va être un échec total. Eh bien non, et il suffit d'aller le voir, j'ai eu cette chance de le voir pour l'instant une fois à New York, une fois à Londres, et récemment à Londres, et on comprend l'engouement. D'ailleurs, c'est un concert de rock dans la salle. C'est-à-dire les lumières s'éteignent et il y a un public jeune, beaucoup plus jeune que le public habituel des comédies musicales, qui crie, qui s'exclame, qui applaudit, qui... Je crois que Hamilton ouvre la porte à la comédie musicale des années 2020 et après. Ça vous a fait le même effet que quand vous avez vu Le Fantôme de l'Opéra à Londres? C'est pas le même, mais c'est de la même force, de la même intensité. Ça peut vous donner des idées? Oh, plein. Genre quoi? Plein. Raconter la Révolution française, remarquez, ça existe non, déjà. Non, ça a déjà été fait. Jean-Michel Schoenberg l'a fait très bien, non, je pense qu'en effet, je vous dis, j'ai plusieurs de mes artistes qui l'ont découvert et ils sont tous en train de réfléchir en disant, voilà, il y a quelque chose de très intéressant et il faut surfer sur ce mouvement pour que les jeunes viennent. Il ne faut pas que ça reste quelque chose. Beaucoup de jeunes en France pensent que la comédie musicale c'est un art poussiéreux et il faut les inciter, il faut les emmener, il faut leur dire venez voir ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les adolescents autour de moi, les adolescentes, de leur dire venez, neveu, nièce, filleul, venez, on va découvrir ça. Et le titre que vous avez choisi de Hamilton, c'est un moment extrêmement touchant. Ça m'a surpris encore une fois que vous ayez choisi ce morceau. C'est le moment où Hamilton a son fils qui a été tué et il est à son chevet. Stay Alive. General so despondent. I have taken over writing all his correspondence. Congress writes, George attacked the British forces. I shoot back, we have resorted to eating our horses. Local merchants deny us equipment, assistance. They only take British money, so sing a song of sixpence. The cavalry's not coming. But sir, Alex, listen, there's only one way for us to win this. Provoke outrage. Outright. That's right. Don't engage, strike by night. Remain relentless till their troops take flight. Make it impossible to justify the cost of the fight. Outrun. Outrun. Outlast. Outlast. Hit them quick, get out fast. Stay alive until this horrible show is past. We're gonna fly a lot of flags half-mast. Raise a glass. I go back to New York and my apprenticeship. I ask for French aid, I pray that Francis sent a ship. I stay at work with Hamilton, we write essays against slavery. And every day's a test of our camaraderie and bravery. We cut supply lines, we steal contraband. We pick and choose our battles and places to take a stand. And every day, sir, entrust me with a command. And every day, no. He dismisses me out of hand. Instead of me, he promotes Charles Lee, makes him second in command. I'm a general. Whee! Yeah, he's not the choice I would have gone with. He shits the bed at the Battle of Monmouth. Everyone attack! Retreat! Attack! Retreat! What are you doing, Lee? Get back on your feet! But there's so many of them! I'm sorry, is this not your speed? Hamilton, ready, sir! Have Lafayette take the lead! Yes, sir! 1,000 soldiers die in 100-degree heat as we snatch a stalemate from the jaws of defeat. Charles Lee was left behind without a pot to piss in. He started saying this to anybody who would listen. Washington cannot be left alone to his devices. Indecisive from crisis to crisis. The best thing he can do for the revolution is turn and go back to planting tobacco in Mount Vernon. Don't do a thing. History will prove him wrong. But sir, we have a war to fight. Let's move along. Strong words from Lee. Someone ought to hold him to it. I can't disobey direct orders. Then I'll do it. Alexander, you're the closest friend I've got. Lawrence, do not throw away your shot. Vous êtes bien sur la 42e rue de France Musique avec du rap extrait de Hamilton, la comédie musicale événement actuellement à l'affiche à New York et à Londres. Un choix de Thierry Suc qui coproduit Bodyguard actuellement au Palais des Sports. C'est en deux mots. Dintian Ngo qui est maître d'œuvre de cette comédie musicale. Pourquoi? Et qui m'a demandé. Pourquoi? Parce que je pense que bon, d'abord je suis allé voir en Allemagne et que les chansons de Whitney Houston sont, on les connaît tous, elles sont dans notre inconscient collectif et que je sens qu'aujourd'hui les temps sont pas faciles et que les gens ont envie de retrouver aussi des chansons connues, de venir chanter, de venir participer à quelque chose de collectif comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Dirty Dancing, c'est ce qui se passe avec, j'espère que ça se passera avec Bodyguard. Il y aura des musiciens? Il y aura des musiciens. Bonne nouvelle. Dernière question, on boucle la boucle, j'allais dire. On a commencé en parlant de David Bowie. C'est vrai que vous allez faire venir Lazarus, la comédie musicale, j'allais dire testament, de David Bowie, qui a été créée juste au moment de sa mort, à vrai dire, avant d'ailleurs. Il avait assisté à l'avant-première. Vous allez le faire venir à Paris? Alors, on est en discussion finale avec l'équipe anglaise qui monte la tournée. Moi, je l'ai vu avec Michael C. Hall et j'ai vraiment eu une très belle émotion, un très beau choc, parce que c'était vraiment la dernière chose que Bowie a validé avant sa mort. Sa dernière sortie officielle, c'était pour Lazarus à New York. Je l'ai vu à Londres et on essaie de faire ça en janvier 19 à Paris. J'espère qu'on va y arriver. Donc, quelle salle peut accueillir Lazarus et à quel public on s'adresse pour le coup là? Un public de fans de David Bowie, alors, un voilà, public de théâtreux de... Et puis ensuite, comme c'est Ivo van Hove qui a fait la mise en scène, qui a signé la mise en scène, et le public français le connaît maintenant un petit peu grâce aux Danais. Je trouve que c'était un travail extraordinaire et sa collaboration avec Bowie a donné une œuvre hybride, comme ça, adaptée du film L'homme qui venait d'ailleurs. C'est très spécial, mais c'est vrai que pour les fans de Bowie et pour ceux qui aiment le travail de Ivo van Hove, je pense qu'il y a une très jolie soirée à passer. Avec Michael C. Hall, qu'on connaît dans le rôle de Dexter? Malheureusement non. Malheureusement non. Mais en tout cas, c'est lui qu'on entend dans cet extrait de Lazarus, la comédie musicale. We'll be right back. like me. Lazarus, extrait de la comédie musicale Lazarus de David Bowie, c'était Mike Hussey Hall. Si tout va bien, qu'on pourra voir à Paris à la salle Playel, grâce à vous, Thierry Suc. En janvier 2019. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des comédies musicales en France, vous qui connaissez si bien ce milieu? Persévérer, ne jamais baisser les bras, continuer. Je vous dis, c'est pas quelque chose de facile. Perdre de l'argent, que c'est pas grave. Accepter de perdre de l'argent, que c'est pas grave. Si on ne peut pas en perdre, mais il ne faut pas faire ce métier. Bien sûr, encore une fois, la définition d'un producteur, c'est d'abord de gagner de l'argent pour continuer de créer, mais il faut aussi accepter d'en perdre pour avancer. Avec quelle comédie musicale vous avez gagné de l'argent? Aucune. À ce jour, aucune. Non. Oui, c'est vrai. J'ai la chance de travailler avec beaucoup d'artistes qui me permettent de pouvoir faire des comédies musicales, mais sinon, ça serait très difficile. Mais vous êtes fou. Oui, mais vous aviez pas remarqué. D'accord. Merci beaucoup Thierry Suc. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission. Et puis cette émission, c'est la vôtre, vous pouvez la podcaster, vous pouvez regarder nos concerts sur le nouveau francemusique.fr, vous pouvez commenter sur la page Facebook de 42e rue, on vous met aussi l'actualité de la comédie musicale, et puis vous pouvez tweeter avec le hashtag 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Claude Niort ce matin à la technique et à la réalisation, Perrine Mingui. On vous souhaite un très bon dimanche et dans un instant, restez avec nous, vous retrouvez Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.